Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. L'émission, c'est Forum Jeunes qui donne l'occasion aux jeunes de débattre des sujets qui les passionnent. Forum Jeunes, c'est tous les lundis à 17h30 sur la radio Isanganiro. Vous pouvez nous suivre sur le site de la radio Isanganiro, www.isanganiro.org ou sur notre page Facebook Forum Jeunes/radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Nous faisons recours à elle pour la réussite de nos événements. Ce sont des prestataires de services spécialisés dans la conception et l'organisation d'événements. Ces événements peuvent être destinés aux professionnels comme les entreprises ou parfois destinés aux particuliers. Elles organisent et créent des événements adaptés aux souhaits et besoins de leurs clients. Ce sont les agences événementielles. Ici à Bujumbura, elles augmentent en nombre, ce qui montre que beaucoup de personnes font appel à elles. Même si cet engouement est là, parfois on entend des dysfonctionnements dans la planification des activités par ces agences, entre autres le non-respect du temps, ne pas donner ce qui était promis dans les annonces ou autres. Et dans notre studio, on a préféré donner la parole à ceux qui travaillent dans ces agences pour nous parler de leur travail quotidien, des difficultés auxquelles ils font face. Donc, à la présentation de cette émission, vous êtes avec Ali Dandaikeza et François Akimana assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Pour entrer dans le vif du sujet, nous avons deux invités. Un seul est déjà là. Une seule, je dirais déjà. C'est Edna Munezero, du département des opérations dans l'agence Sheila. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, merci de l'invitation. Côté technique, on me dit que il est déjà là, notre autre invité, qui est Patrick Nyonguru Di Paggio. On le fait entrer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes là pour parler de l'événement, des agences événementielles qui sont surtout constituées par des jeunes. Commençons par vous, Edna. Dans votre agence, le travail se fait comment, concrètement? Vous travaillez comment? OK. Premièrement, nous sommes au nombre de 11. Alors, le travail se fait, ça dépend du besoin du client. Il y a ceux qui veulent qu'on organise tout l'événement, partant de l'organisation jusqu'au déroulement de l'événement. Il y a ceux qui nous disent de faire le décor seulement, d'autres de faire le budget, le décor. Donc, ça dépend du désir du client. Et ça fait combien de temps que votre agence a ouvert ses portes? Ça fait juste 10 mois. On a commencé en décembre, mais notre premier événement était en février 2016. Oui, c'était le Saint-Valentin. Voilà. Et vous avez déjà organisé combien d'événements? Là, maintenant, on a déjà organisé autour de 6 événements. 6 événements. Quelques conférences et d'autres activités à côté, comme pour voir des hôtesses à des entreprises ou la promotion de produits ou des services. Oui, c'est ça. 6 événements à 10 mois après votre naissance. Oui. Beaucoup de travail. Merci beaucoup. Patrick Nyonguru Di Paggio de l'agence Amahasa Event. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ça va? Ça va très bien. D'abord, je m'excuse pour le retard. C'est pas grave. Dans votre identification, on sait que cela fait déjà 6 ans. Ouais. 6 ans que vous travaillez dans l'agence événementielle. Concrètement, donc, vous travaillez comment? On travaille comme toutes les agences qui travaillent sur, pour la promotion ou organisation des événements. Donc, on a commencé depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. On a fait pas mal d'événements depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. On œuvre dans le domaine de la culture, dans le domaine sportif. Donc, tout qui est promotion, promouvoir les artistes et promouvoir les gens ou les gens qui ont des talents pour les faire connaître ou les produire sur scène, tout ça, on organise ça. Juste pour de les faire connaître et les faire gagner quelque chose. Quand on te connaît, quand tu es un artiste ou quand tu es une star, tu dois, demain après demain, tu dois te présenter sur scène, tu dois être devant le public pour qu'ils puissent savourer de ton talent, voir ce que tu fais. Quand on t'entend à la radio, quand on dit il est connu ou il n'est pas connu, c'est une façon de faire connaître cet artiste-là. Donc parmi les événements que vous avez déjà organisés, lesquels vous pourriez qualifier de réussite? Ou avez-vous déjà rencontré des difficultés dans la planification de vos activités? Bon, commençons par les événements qu'on a organisés. Il y a pas mal d'événements qu'on a déjà organisés depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. On fait partie, donc on peut organiser nous-mêmes des événements et aussi on peut contribuer. Il y a d'autres organisations ou d'autres agences qui nous appellent. On collabore, on fait du travail ensemble. Donc les événements qu'on a fait pour, depuis 2010, les événements qui ont réussi... pour nous ou pour mon agence, je peux dire qu'il n'y a pas un événement qui n'a pas réussi, parce que tous les événements qu'on a fait, ça réussit. Mais les gens de dehors peuvent dire maintenant, on a vu ce que vous avez fait, ça n'a pas marché. Et pour nous, je peux dire que ça a marché, ça a été bon. Il n'y a pas eu de difficulté pour l'accomplissement de votre tâche? Non. Mais quand on dit... des difficultés quand on toque quelque part, quand on veut des sponsors, quand on veut demander, je sais pas, des appuis, là c'est là où on peut trouver des difficultés. Mais quand on arrive jusqu'au bout, quand on organise du début jusqu'à la fin, on trouve que on a gagné. Et vous, Edna, quelles sont les difficultés que vous avez déjà rencontrées dans la planification de vos activités? Les difficultés que je pourrais dire sont, entre autres, parfois il peut y avoir faute de moyens pour satisfaire tout ce que les clients veulent. On est limité par le budget dans nos préparatifs. Une autre difficulté que je pourrais dire, c'est... que les clients... Des fois, il n'y a pas d'exigence à l'endroit des clients qui veulent quelque chose qui est en dehors du budget. Si, exactement. Bon, là, ça veut dire qu'ils vont, être taxés plus selon ce qu'ils veulent. Mais là, je voulais dire... j'ai les termes en anglais. Je voulais... OK. To trust. Il y a donc croire en la personne, confiance. Oui, la confiance. Parce que, par exemple, pour les mariages ou pour d'autres activités, par exemple, organiser des conférences pour des entreprises, c'est nouveau. Alors, les clients vont être un peu réticents à vous donner leur... les marchés, Des fois, on entend que les agences événementielles promettent de faire quelque chose, mais au moment de la mise en œuvre de cet événement, il y a des changements carrément dans les produits qui devaient être proposés. Vous est-il déjà arrivé ce cas pareil? Oui, exactement. Et comment vous pouvez y remédier? Des fois... on n'a pas vraiment de réponse parce que dans l'événementiel, on est en partenariat avec d'autres entreprises ou d'autres départements. Par exemple, si on organise des événements, nous, on n'a pas de restaurant, on n'a pas de place pour offrir à nos clients. Mais on va travailler avec des restaurants et parfois, on peut conclure quelque chose et promettre cela au client, mais au jour de l'événement, c'est une surprise pour nous tous. Alors là, ce sont des surprises qui nous arrivent. Des fois, si les clients comprennent, ceux qui ne peuvent pas comprendre, on essaie de résoudre le problème. Et vous, Padjo, vous est-il déjà arrivé de ne pas donner ce que vous aviez déjà promis le jour de l'événement? Donc, ce qui est différent entre Sheila et nous, parce que c'est Sheila, ils intéressent les gens. Nous, on organise pour eux. On ne vend pas ce qu'on n'en a pas. Donc, on dit quoi? On dit, nous, on organise, on est rebelle des projets, on fait des projets. Après, on s'assoit ensemble, on dit, toi et moi, notre agence et vous, on va partager ce qu'on va récolter. C'est pas, on va pas, nous, on ne vend pas l'événement. tu vois. Ou par exemple, on peut vendre l'événement, quand on a organisé les événements, on dit, ok, on organise par exemple un événement au Star Hotel, c'est un hôtel par exemple, on dit, ok, nous, on a des moyens, on organise, si vous voulez acheter l'événement, vous nous donnez, et on organise pour vous jusqu'à la fin, le récolte, ce sera à vous. C'est ce qu'on fait. La différence, c'est entre Sheila et nous, je crois que c'est ça. Et il peut arriver des choses qu'on promet aux gens, et alors, vers la fin, ils disent que ce que vous avez fait, ce que vous nous avez dit, c'est pas ce qu'on savait. Donc, il peut y arriver des gens qui nous disent que vous nous avez escroqué, vous nous avez fait des promesses, voilà, le résultat. On dit toujours que chaque chose, ça arrive. Ça arrive, c'est pas à nous la faute, c'est pas à eux-mêmes la faute, mais ça arrive. Quand on collabore avec les gens, il faut s'entendre. Et le client ou celui qui va participer à l'événement dans tout ça, le public qui va venir dans l'événement. Mais qui est déçu par la planification. Je pense que pour moi, ça n'est jamais arrivé que le public soit déçu de ce qu'on a fait. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Parce que d'abord, moi, je suis journaliste, je suis promoteur, je suis producteur aussi. Je m'assois et on se donne du temps pour communiquer, pour promouvoir, pour faire la publicité au public, pour que le public puisse savoir ce qui va se passer. Je crois qu'on amène tout le nécessaire. On dit aux artistes qui vont venir là, qui vont agrémenter cet événement-là, de faire tout ce qui peut se passer pour que le public soit satisfait. Voilà. OK. Côté technique, on fait une transition et on passe à notre deuxième partie pour appeler Luc Noël Ingabire, qui suit de près les activités qui se font ici à Bujumbura. On l'a en ligne? Allô? Allô? Allô? Allô? Oui, bon après-midi, Luc. Bon après-midi. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Comme présentation, vous êtes un jeune qui suit les activités événementielles ici à Bujumbura. Oui, de temps en temps. Et je suis, parce que si je suis un journaliste qui s'intéresse à la culture et à l'art. Donc je pense que vous connaissez déjà nos deux invités. Edna, j'arrive pas à mettre le nom sur le visage. Mais quand même, tu connais Sheila. Oui, un tout petit peu. Ok, si tu connais Sheila, tu connais Edna. Sûrement. Je fais partie des 11 filles. Ouais, pardon. Je fais partie des 11 filles. Ok, Luc, tu avais commencé avec nous notre émission. Premièrement, je vous remercie pour l'initiative d'inviter et les agences événementielles qui s'occupent de l'événementiel. Parce que sans eux, il y a des événements qui ne pourront pas avoir lieu. Alors, je ne sais pas si je vais poser une question. C'était exactement ma première question. Je voulais te demander la lecture que tu fais du travail de ces agences. En tout cas, ma première lecture, c'est la satisfaction d'une part, parce que ce mouvement d'agences qui s'occupent de l'événementiel, ça ne date pas de très longtemps, bien qu'il y a déjà l'agence de Padjo qui a au moins 6 ans. Mais quand même, on voit bien que actuellement, ça commence à prendre un niveau quand même qui est remarquable et qui est vraiment à saluer. Mais toutefois, il se remarque quelques, je dirais, dysfonctionnements de l'exécution des événements. Et comme ils ont déjà invoqué, tantôt, soit de faute de moyens, de sponsors. Mais là, il y a quelque chose que Edna a invoqué par rapport à ça, au manque de moyens. Bon, je me dis que si des fois on vous demande plus d'organiser un événement qui est vraiment au-delà de vos moyens, il faut être sincère, il faut dire voilà, nous on est prêt à exécuter jusqu'à tel niveau et au-delà, parce que ça aussi ça va en fait ça engendre que les gens, si l'événement n'est pas une réussite pour le public qui a participé à cet événement, il y a la crédibilité qui se joue sur ça. Donc c'est juste ça, une observation que j'ai déjà vue, et aussi ce que j'ai déjà remarqué dans des événements actuellement ici surtout la ponctualité, vraiment, c'est, je ne sais pas si c'est une maladie, comment on dit, une maladie burundaise, mais quand même, je me dis que ces agences devraient prendre le devant pour essayer de, d'essayer de cultiver cette culture de la ponctualité. Oui. Il y a un mot que Edna voulait nous donner. Oui. Ok, oui, je voulais... Tu restes en ligne, Jean-Luc. D'accord. Luc Noël, excusez. Ok, je voulais souligner sur ce que j'ai dit sur les difficultés. Mm-hmm. Les difficultés se rencontrent dans l'organisation et non pas dans les promesses. On ne peut pas promettre ce qu'on ne peut pas offrir. Voilà. Là, c'est juste dans nos désirs d'offrir plus, mais on ne va pas promettre ce qu'on ne va pas offrir. On va organiser selon les moyens qu'on a. Et selon le budget qu'on a, c'est là où je voulais un peu préciser parce que j'ai entendu que ça n'a pas bien été transmis. On l'a compris dans un autre sens. Oui, mais aussi, à ce niveau aussi, j'aimerais dire en fait que des fois, il faut que même les agences, je me dis que parce que quand tu participes à un événement et que tu vois que peut-être il y a beaucoup d'artistes qui vont se succéder sur scène ou un autre événement quelconque, il faut vraiment respecter le timeline. Je sais pas, voilà. Parce que ça aussi, ça compte sur la réussite. Si les gens, ils sont venus à 14h et vous avez commencé à 13h, ben, si ça se passe une fois, deux fois, la troisième fois, tout le monde sera à l'heure. Et aussi, s'il y a quelques difficultés dans l'exécution des événements, c'est que des fois, je me dis que quelque part, il doit manquer la rigueur du côté de l'organisation. Mm-hmm. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un il a un concert, si quelqu'un il a quelque chose à présenter, je ne sais pas si c'est un humoriste ou bien quelqu'un d'autre qui fait du théâtre et que vous êtes chargé de cet événement, je ne sais pas comment ça fonctionne à l'interne, mais je me dis qu'il faudrait bien voir du début jusqu'à la fin son spectacle avant de le rendre au public, parce que aussi il faut être exigeant, parce que je rappelle ce mot clé, la crédibilité, ça joue aussi sur la crédibilité de votre agence. Ben, Luc Noël, rapport à votre propos, pas dur, en ajout. Donc je voulais dire rigueur ou tout qui dépend de l'organisation. Donc il y a des artistes qui se croient comme des grandes stars. Donc, tu vois, tu le dis, tu vois passer sur scène 15h, lui, il vient 18h, 19h. Tu vois, vous avez 15 artistes qui vont se succéder sur scène. Là, toi, tu as donné son argent, on a un contrat. Lui dit, moi, je viens chanter 18h. Alors qu'il y a d'autres artistes qui sont sur la liste avant ou après lui. Lui dit, moi, tu m'as appelé parce que tu sais ce que je vois offrir au public. Voilà. Alors lui, le public est là depuis, par exemple, quand les événements commencent à 15h, 16h, le public est là depuis 15h, lui il vient 18h, 19h. Voilà, alors le public, donc, il attend que cet artiste, ce grand artiste, cette star-là, que tout le monde connaît, tu vois, lui il vient 18h, là, alors qu'il est, tout l'a mis sur un affiche, il est donc la grande star du jour. Tu vois, lui il vient 18h. Qu'est-ce que tu vas faire là? Rigueur, exigence, mais pour satisfaire le client, le public. Tu ne vas pas dire lui il est en retard, il ne va pas chanter. Alors, le public va te tuer, mon ami. Luc Noël. Non, Luc Noël. Une petite question. Toi, tu vas dire ok, toi, un contrat, tu vas me donner mon argent, puis tu n'as pas chanté ou tu n'as pas respecté l'air. Voilà, il va. Le public va te tuer. En fait, Luc Noël, une petite question. Allô, Luc Noël, une petite question. Comment concrètement ces agences devraient travailler pour être à la hauteur de leur mission? Voilà, c'est la solution que j'allais proposer à Padjo. En fait, à toutes les agences. Oui, aussi. En fait, c'est par rapport à ce qu'il vient de dire, ça inclut tous les agences. C'est que il faut aussi être exigeant par rapport à vos clauses de contrat. Si un artiste est en retard, il faut dire voilà, il faut avoir des pénalités en fait. Il n'y a pas de contrat qui ne manque pas de pénalités par rapport à une conclusion que vous avez déjà conclue. Donc là, je me dis que il faudrait bien, si par exemple vous avez promis telle somme et qu'il est en retard de de 10 minutes. Mm-hmm. Normalement, il devrait être là même avant. Mm-hmm. Parce que ce qu'on voit souvent dans les événements, mm-hmm. il commence à faire le check song quand le public est déjà là. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une belle image d'un événement qui est organisé par une telle agence. Donc, il faut être très... Check song, ça c'est côté technique, mais avec l'artiste. Mm-hmm. Mais tu sais, mm-hmm. ça inclut tout. Si mm-hmm. vous êtes chargé de l'événement, ça inclut tout, mm-hmm. le côté technique, tous les artistes, c'est vous qui doivent les manager, je pourrais dire. Mm-hmm. Donc, quelque part, il faut être exigeant dans vos contrats. Mm-hmm. Il faut dire, voilà, tu es en retard, sachez qu'il y a tel... On va lever un tel montant à votre argent à la fin. Oui. Mm-hmm. Parce des pénalités, bien sûr, ce qui vient des pénalités. Parce que toujours, c'est le public qui va toujours être victime. Mm-hmm. Et implicitement, on ne va pas demander... Bon, je dirais, même d'ailleurs, le public bondait est très clément. Mm-hmm. Voilà, ils ne vont pas demander, oui, il faut nous rembourser ou quoi. Moi, je me rappelle par exemple, les artistes, le Peace Square qui est venu, je ne sais pas quelle agence qui avait organisé. En 2011. Le concert devrait commencer à 13h. Ça commençait vers 23h. Oui. 23h. Vous imaginez ce décalage. Imagine. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui se dit, voilà, j'ai payé 10 000 francs, je ne vais pas demander qu'on me rembourse, donc je suis condamné à rester. Donc déjà, ils ont... Je ne sais pas. Ok. Luc Noël, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a une réaction d'Edna. Ok. Oui. Je voulais... ajouter un peu sur ce que vous venez de dire, de sanctionner sur les retards ou ce que Padjo a dit. Oui. Parfois, c'est vrai, une personne peut être une pièce maîtresse de l'événement et là, tu es obligé d'attendre ou d'accepter le retard. Mais même s'il y a les sanctions, le public ne va pas savoir. Ça, ça se passe dans les coulisses. Mm-hmm. Alors, c'est quelque chose qui arrive. Parfois, ça peut être notre faute par exemple, checking ou... De ne pas avoir été exigeant auparavant. Oui, de ne pas avoir été exigeant parce qu'on croit déjà en la personne, en la réussite de l'événement rapport à ce que la personne va offrir au public. Et même s'il y a des sanctions, le public ne va pas savoir. En fait, cette solution, c'est une solution qui va remédier à vos événements ultérieure. Si je vous ai bien compris, Luc Noël, c'est une clause que vous allez intégrer dans le contrat. Voilà. Donc, celui qui va venir dans l'événement, il sera déjà au courant avant de participer à votre événement. Donc, ce que je peux aussi ajouter à ce que Edna vient de dire, c'est que bon, ça se passe dans les coulisses, ça se passe entre toi, donc l'agence et l'artiste. Est-ce que, par exemple, Sheila a organisé ça et a sanctionné un artiste. Est-ce que tu savais comment je peux savoir que ils ont fait ça à Massa Event? Qu'est-ce que va faire aussi? En fait, mais ça veut dire quoi? On peut faire ce que je peux proposer. C'est une synergie entre Sheila, Massa Event et toutes les agences qui sont là, qui sont sur Burundi. Donc on peut avoir un cadre, on peut se rencontrer, dire maintenant un artiste il traîne, il cochonne le public, nous tout le monde, on va le sanctionner. Demain, si c'est Farias qui va venir, c'est Satbi qui va venir, il va savoir si il cochonne Sheila, demain, Amas Event ne va pas l'appeler. Mm-hmm. Je crois que c'est ça. Voilà. En fait, c'est ça. Voilà. Mm-hmm. Oui, c'est Luc Noël. Voilà. Oui. Tu avais un point de vue à dégager? Oui, en fait, c'est que cette solution, bon, c'est une idée que j'ai lancée comme ça, mais que je vois que ça pourrait aider. C'est un autre débat. Moi, je vois que c'est un autre débat pour corriger nos stars, pour corriger certaines agences. Et ça ne va pas apporter une solution instantanée. Ça va aider les artistes aussi à se discipliner, quoi. Parce que s'il fait ça dans cet événement et que dans l'événement qui va suivre, il fait la même chose, il est en retard. Mais là, il va continuer. Mais si vous sanctionnez dans tel événement organisé par Sheila et dans notre événement organisé par Amarasa, mais c'est une fois, deux fois, il a perdu presque la totalité de son montant qu'il avait pour ces événements. Donc là, il va essayer de s'adapter à votre timing. Donc je me dis que c'est une solution. Et pourquoi pas ne pas travailler en synergie? Parce que les autres font... Il y a des syndicats, des fonctionnaires, il y a des syndicats de quoi? Il faut aussi travailler ensemble. Ensemble, c'est là où vous êtes encore plus fort. Mm-hmm. Luc Noël, oui. Merci beaucoup d'avoir été disponible pour nous. Je vous en prie. À la prochaine. À la prochaine. Et on revient dans les studios. Avant de terminer notre émission, quel message pourriez-vous lancer aux jeunes qui voudraient se lancer dans ce domaine d'événementiel? Il faut créer beaucoup des agences, il faut avoir des idées, il faut avoir des créativités pour donner un beau produit aux fans, au public. Parce que si il y a deux, trois agences qui sont là mais qui ne sont pas fonctionnelles, comment on va avancer? Mm-hmm. Et aussi, je voulais lancer un appel aux autorités, aux gens qui dirigent, je peux dire... à la municipalité de Bujumbura, on demande des endroits, on demande des places pour exercer, pour effectuer nos événements. Donc, quand il ne te connaît pas, il ne faut pas te donner les places. Mm-hmm. Pour organiser les événements, s'il n'y a pas des places, disons, publiques ou qui appartiennent à la municipalité, vous ne pouvez pas travailler avec les privés, genre les hôtels, et les accepter comme sponsors. Voilà, là, on le fait, c'est ce qu'on fait souvent. Donc, on ignore les espaces publics, on travaille avec les gens qui ont des hôtels, qui ont des places donc privées, c'est ce qu'on fait. Edna, quel message à l'endroit des jeunes? Ce que je pourrais dire, c'est de ne pas avoir peur du début, parce que le début fait toujours peur. Avant de commencer, tu vois beaucoup de barrières et tu peux ne pas commencer. Tu peux dire, là, je suis dans les rêves, j'abandonne. C'est juste commence, parce que tu ne vas jamais avoir assez de moyens pour commencer. Tu ne vas pas avoir tout ce que tu veux pour commencer, tout ce que tu veux, mais c'est la détermination et la passion. Oui. Et vos agences, vous avez des parrains ou des marraines? Bon, à Massa Event à Tentkacha, on est au nombre de 15. Et après, quand on a un grand événement, on amène en charge d'autres mercenaires qui vont nous aider. On n'a pas des parrains, on n'a pas des marraines. Donc nous-mêmes, nous sommes des parrains, nous sommes des marraines. Et vous, Achila? C'est exactement la même chose. Oui, on n'a pas vraiment pensé avoir un parrain ou une marraine. Oui, mais on est ouvert aux conseils. On est ouvert aux conseils, aux critiques positifs. Constructif. Oui. Non, pas positif, même négatif. Mais je voulais dire exactement constructif. Pas juste dénigrer sans construction après. Surtout, c'est un domaine qui est, dans ces jours-ci, c'est un domaine qui est embrassé par les jeunes. Oui, exactement. C'est un phénomène qu'on observe dans toutes les agences. Voilà, maintenant, il y a des gens, il y a d'autres talents qui sont nés récemment. Il y a des photographes, il y a des designers, il y a des peintres, graffiti, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui veulent exposer, qui veulent se montrer au public. Alors, donc, on les appelle. Il faut qu'ils nous contactent, il faut qu'ils nous appellent pour qu'on puisse les produire sur scène. Edna, un mot pour la fin? Merci pour l'invitation. Merci à toute personne qui croit en nous. On espère... Lorsqu'on a commencé, il y avait beaucoup de personnes qui disaient « vous n'allez pas réussir ou durer, faire beaucoup d'années ensemble » parce que, premièrement, on est 11 filles, ce n'est pas facile à gérer. Oui. Alors, oui, 11 filles. Oui. Moi, ça vient de se réparer. Moi aussi. Bravo. Moi, c'est déjà un partenariat qui est là. Vous serez mes marraines. Ok, merci beaucoup. Donc, Edna Mounezero du département des opérations dans l'agence Sheila, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et Patrick Nyonguru Di Padio, président et fondateur de l'agence Amasa Event. Attends, merci. Je voulais ajouter, c'est Patrick Padio Nyonguru, c'est pas Di Padio, c'est Patrick Padio, c'est un pronom italien. Ok, merci d'avoir répondu merci à notre à vous, invitation. Merci à vous. Un merci également à Luc Noël Ingabire qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. À la présentation, vous étiez avec Ali Dandaïkeza et François Akiman assurait la mise en onde. À la prochaine.